Chapitre 47e, le régiment de Flandre. Malheureusement pour la reine, tous ces faits que nous avons vus étaient des accidents auxquels une main ferme et industrieuse pouvait apporter remède. Il ne s'agissait que de concentrer ses forces. La reine, voyant que les Parisiens s'étaient changés en militaires et paraissaient vouloir faire la guerre, se résolut à leur montrer ce que c'était qu'une guerre véritable. Jusqu'alors, ils ont eu affaire aux invalides de la Bastille, aux Suisses mal soutenus et flottants. On va leur montrer ce que c'est qu'un ou deux bons régiments bien royalistes et bien instruits. Peut-être y a-t-il quelque part un de ces régiments-là qui ait déjà mis en fuite les émeutes et versé le sang dans les convulsions de la guerre civile. On va faire venir un de ces régiments, le plus connu. Les Parisiens comprendront alors, et ce sera le seul recours qu'on leur laisse pour leur salut, l'abstention. C'était après toutes les querelles de l'assemblée du roi pour le veto. Le roi avait pendant 2 mois lutté pour ressaisir un lambeau de souveraineté. Il avait, conjointement avec le ministère et Mirabeau, essayé de neutraliser l'élan républicain qui voulait effacer la royauté en France. La reine s'était usée à cette lutte, usée surtout parce qu'elle avait vu le roi succomber. Le roi avait perdu à ce combat tout son pouvoir et le reste de sa popularité. La reine avait gagné un surnom, un sobriquet. Un de ces mots étranges à l'oreille du peuple, ce qui par cela même caresse l'oreille du peuple, un nom qui n'était pas encore une injure, mais qui devait devenir la plus sanglante de toutes, un mot d'esprit qui se changea plus tard en un mot de sang. On l'appelait enfin Madame Veto. Ce nom-là devait aller, porté sur l'aile des chansons révolutionnaires, épouvanter en Allemagne les sujets, les amis de ceux qui, en envoyant la France une reine allemande, avaient le droit de s'étonner qu'on l'injuriât du nom de l'Autrichienne. Ce nom-là devait accompagner à Paris, dans les rondes insensées, aux jours de massacre, les derniers cris, les agonies hideuses des victimes. Marie-Antoinette, désormais, s'appelait Madame Veto, jusqu'au jour où elle s'appellerait la veuve Capet. C'était déjà la 3e fois qu'elle changeait de nom. Après l'avoir appelée l'Autrichienne, on l'avait appelée Madame Déficit. Après les luttes dans lesquelles la reine avait essayé d'intéresser ses amis par l'imminence de leur propre danger, elle avait remarqué seulement que 60 000 passeports avaient été demandés à l'hôtel de ville. 60 000 notables de Paris et de France étaient partis rejoindre à l'étranger les amis et les parents de la reine. Ensemble bien frappant qui avait frappé la reine. Aussi ne méditait-elle point autre chose à dater de ce moment qu'une fuite adroitement concernée, qu'une fuite appuyée par la force au besoin, une fuite au bout de laquelle était le salut, après quoi les fidèles restés en France pourraient faire la guerre civile, c'est-à-dire châtier les révolutionnaires. Le plan n'était pas mauvais. Il eut réussi assurément, mais derrière la reine veillait aussi le mauvais génie. Étrange destinée. Cette femme qui inspira de si grands dévouements ne rencontra nulle part la discrétion. On sut dans Paris qu'elle voulait fuir, avant qu'elle en fût persuadée elle-même. À partir du moment où on le sut, Marie-Antoinette ne s'aperçut pas que son plan était devenu impraticable. Cependant, un régiment fameux par ses sympathies royalistes, le régiment de Flandre, arrivait sur Paris à marche forcée. Ce régiment était demandé par la municipalité de Versailles, qui, excédée par les gardes extraordinaires, par la surveillance obligée autour du château sans cesse menacé, par les distributions de vivres et les émeutes successives, avait besoin d'une autre force que la garde nationale et les milices. Le château, lui, avait déjà bien assez de peine à se défendre lui-même. Ce régiment de Flandre arrivait, disons-nous, et pour qu'il prît sur le champ l'autorité dont on cherchait à le revêtir, il fallait qu'un accueil particulier lui attirât l'attention du peuple. L'amiral d'Estaing réunit les officiers de la garde nationale, tous ceux des corps présents à Versailles, et se rendit au-devant du régiment de Flandre. Celui-ci fait une entrée solennelle dans Versailles avec ses canons, ses parcs et ses convois. Autour de ce point devenu central, viennent se gomper une foule de jeunes gentilshommes n'appartenant à aucune arme spéciale. Ils se choisissent entre eux un uniforme pour se reconnaître, se joignent à tous les officiers hors des cadres, à tous les chevaliers de Saint-Louis que le danger ou la prévoyance amènent à Versailles. De là, ils se répandent dans Paris, qui voit alors avec une stupeur profonde ses nouveaux ennemis frais, insolents et gonflés d'un secret qui va leur échapper à la première occasion. Dès ce moment, le roi pouvait partir. Il eût été soutenu, protégé dans son voyage et peut-être Paris, encore ignorant et mal préparé, l'eût-il laissé partir. mais ce mauvais génie de l'Autrichienne veillait toujours. Liège se révolta contre l'empereur, et l'occupation que donna cette révolte en Autriche empêcha qu'on songeât à la reine de France. Celle-ci, d'ailleurs, crut devoir s'abstenir par délicatesse en un pareil moment. Alors les choses, à qui l'impulsion était donnée, continuèrent de courir avec une foudroyante rapidité. Après l'ovation faite au régiment de Flandre, les gardes du corps décidèrent qu'un dîner serait offert aux officiers de ce régiment. Ce repas, cette fête, fut fixé au 1er octobre. Tout ce qu'il y avait d'important dans la ville y fut invité. De quoi s'agissait-il ? De fraterniser avec les soldats de Flandre ? Pourquoi des soldats n'eussent-ils point fraternisé entre eux, puisque les districts et les provinces fraternisaient ? Était-il défendu par la Constitution que des gentilshommes fraternisassent ? Le roi était encore le maître de ses régiments, et les commandait seul. Il avait seul la propriété de son château de Versailles, il avait seul le droit d'y recevoir qui bon lui semblait. Pourquoi n'eût-il pas reçu de braves soldats et de dignes gentilshommes arrivant de Douai où il s'était bien conduit ? Rien de plus naturel. Nul ne songeait à s'en étonner, à s'en alarmer, bien moins encore. Ce repas pris en commun allait cimenter l'affection que se doivent entre eux tous les corps d'une armée française destinée à défendre à la fois la liberté, la royauté. D'ailleurs, le roi savait-il seulement ce qui était convenu ? Depuis les événements, le roi, libre, grâce à ses concessions, ne s'occupait plus de rien. On lui avait ôté le fardeau des affaires. Il ne voulait plus régner, puisqu'on régnait pour lui. Mais il ne prétendait pas devoir s'ennuyer tout le jour. Le roi, tandis que messieurs de l'Assemblée taillaient et rognaient en France, le roi chassait. Le roi, tandis que messieurs les nobles et messieurs les évêques abandonnaient aux quatre août leurs colombiers et leurs droits féodaux, pigeons et parchemins, le roi, qui voulait bien, comme tout le monde, faire des sacrifices, abolissait ses capitaineries de chasse, mais enfin, il ne cessait pas de chasser pour cela. Or, le roi, tandis que messieurs du régiment de Flandre dîneraient avec les gardes du corps, le roi serait à la chasse comme tous les jours, la table serait desservie lorsqu'il reviendrait. Cela même le gênait si peu, et le gênait si peu pour cela, qu'on résolut à Versailles de demander à la reine le château pour donner le festin. La reine ne voyait pas de raison pour refuser l'hospitalité aux soldats de Flandre. Elle donna la salle de spectacle, dans laquelle, pour ce jour-là, elle permit qu'un plancher fût construit, afin que la place fût large pour les soldats et leurs hôtes. Une reine, quand elle donne l'hospitalité à des gentilshommes français, la donne entière. Voilà la salle à manger. Le salon manquait, la reine accorda le salon d'Hercule. Un jeudi 1er octobre, comme nous l'avons dit, se donna ce festin qui marquera si cruellement dans l'histoire des imprévoyances ou des aveuglements de la royauté. Le roi était à la chasse. La reine était enfermée chez elle, triste, pensive, et décidée à ne pas entendre un seul choc des verres, un seul éclat des voix. Son fils était dans ses bras, André auprès d'elle. Deux femmes travaillaient dans un angle de la chambre, voilà son entourage. Peu à peu, entraient au château les officiers brillants, les panaches, les armes fulgurantes. Les chevaux hennissaient au gris des écuries, les fanfares sonnaient, les deux musiques de Flandre et des gardes remplissaient l'air d'harmonie. Aux griffes de Versailles, une foule pâle, curieuse, sournoisement inquiète, guettait, analysait, commentait, et la joie et les airs. Par bouffées, comme les rafales d'un orage lointain, s'exhalaient, par les portes ouvertes, avec les murmures de la gaieté, les vapeurs de la bonne chère. Il était bien imprudent de faire respirer à ce peuple affamé l'odeur des viandes et du vin, à ce peuple morose, la joie et l'espérance. Le festin continuait cependant sans que rien vînt le troubler. Sobre d'abord et plein de respect sous leur uniforme, les officiers avaient causé bas et bu modérément. Pendant le premier quart d'heure, ce fut bien l'exécution du programme tel qu'il avait été arrêté. Le second service parut. Monsieur de Lusignan, colonel du régiment de Flandre, se leva et proposa 400 celle du roi, de la reine, du dauphin et de la famille royale. Quatre acclamations, poussées jusqu'aux voûtes, s'en allèrent fugitives, frappaient l'oreille des tristes spectateurs du dehors. Un officier se leva. Peut-être était-ce un homme d'esprit et de courage, un homme de bon sens, qui prévoyait l'issue de tout ceci, un homme sincèrement attaché à ses familles royales, qu'on venait de fêter si bruyamment. Il comprenait, cet homme, que parmi tous ces toasts, on en oubliait un, qui se présenterait brutalement lui-même. il proposa la santé de la nation. Un long murmure précéda un long cri. « Non, non !» répondirent en chœur les assistants, et la santé de la nation fut repoussée. Le festin venait de prendre ainsi son véritable sens, le torrent sa véritable pente. On a dit, on dit encore, que celui-là qui venait de proposer ce toast était l'agent provocateur de la manifestation contraire. Quoi qu'il en soit, sa parole eut un fâcheux effet. Oublier la nation passe encore, mais l'insulter, c'était trop, elle s'en vengea. Comme à partir de ce moment la glace fut rompue, comme au silence réservé succédèrent les cris et les conversations exaltées, la discipline devenait une chimérique pudeur. On fit entrer les dragons, les grenadiers, les cent suisses, tout ce qu'il y avait de simples soldats au château. Le vin circula, il remplit 10 fois les verres, le dessert apparut, il fut pillé. L'ivresse était générale, les soldats oubliaient qu'ils trinquaient avec leurs officiers, c'était réellement une fête fraternelle. Partout on crie « Vive le roi, vive la reine !» Tant de fleurs, tant de lumières, tant de feux irisant les voûtes dorées, tant de joyeuses idées illuminant les fronts, tant d'éclairs loyaux jaillissant du front de ces braves. C'était un spectacle qui eût été bien doux à voir pour la reine, bien rassurant à voir pour le roi. Ce roi, si malheureux, cette reine, si triste, que n'assistait-il à une pareille fête? D'officieux serviteurs se détachent, courent chez Marie-Antoinette, lui racontent, lui exagèrent ce qu'ils ont vu. Alors l'œil éteint de la femme se ranime, elle se soulève. Il y a donc encore de la loyauté, de l'affection dans des cœurs français. Il y a donc encore de l'espoir. La reine jette autour d'elle un regard morne, désolé. À ses portes commence à circuler le monde des serviteurs. On prie, on conjure la reine de faire visite, rien qu'une apparition dans ce festin où 2000 enthousiastes consacrent, par leur viva, le culte de la monarchie. « Le roi est absent, » dit-elle tristement, « je ne puis y aller seule. » « Avec monsieur le dauphin, » disent quelques imprudents, qui insistent. « Madame, madame, » dit une voix à son oreille, « restez ici, je vous en conjure, restez. » Elle se retourne, c'était monsieur de Charny. « Quoi ? » dit-elle, « vous n'êtes pas en bas avec tous ces messieurs. »« Je suis revenu, madame. » Il y a en bas une exaltation dont les suites peuvent nuire plus qu'on ne croit à votre majesté. Marie-Antoinette était dans un de ces jours de bouderie, de caprice. Elle tenait ce jour-là précisément à faire le contraire de ce qui eût plu à Charny. Elle lança au comte un regard de dédain et s'apprêtait à lui répondre quelques désobligeantes paroles lorsque l'arrêtant d'un geste respectueux. « Par grâce, dit-il, madame, attendez au moins le conseil du roi. » Il croyait gagner du temps. « le roi !» s'écrièrent plusieurs voix. « Sa majesté revient de la chasse !» C'était vrai. Marie-Antoinette se lève, court à la rencontre du roi, encore beauté, tout poudreux. « Monsieur, lui dit-elle, il y a en bas un spectacle digne du roi de France. Venez, venez !» Et elle lui prend le bras. Elle entraîne sans regarder Charny, qui enfonce dans sa poitrine des ongles furieux. Son fils à sa main gauche, elle descend. Tout un flot de courtisans la précède et la pousse. Elle arrive aux portes de la salle de l'opéra dans le moment où, pour la 20e fois, les verres se vidaient au cri de « Vive le roi! Vive la reine !»